franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des impôts les plus controversés discutés de notre pays, l'impôt sur la fortune. Depuis 1982, chaque année, au courant des mois de mai et juin, certains de nos compatriotes s'attellent à la déclaration de leur fortune. Ils recensent, ils évaluent l'ensemble de leurs biens assujettis à cet impôt. Combien sont-ils ? 343 942 en 2015. Combien cela a-t-il rapporté aux caisses de l'État ? 5 milliards et 22 millions d'euros. Cet impôt est à l'image du système fiscal français, complexe et friable, tant il est aisé d'en réduire l'impact quand on connaît les chemins de l'optimisation fiscale. Et donc, comme tout autre impôt, sa création a été source de controverses. L'impôt permet de financer les biens publics, de corriger les inégalités et de favoriser le développement économique. C'est un lien social. Tout l'enjeu est donc qu'il soit accepté par une majorité. Si on peut parler par exemple d'un consensus fiscal pendant la période économique prospère des Trente Glorieuses, celui-ci vole en éclats dès les premiers soubresauts de la crise. Et c'est durant cette période que l'on commence à imaginer en France, à droite comme à gauche d'ailleurs, l'idée d'un impôt auquel seraient assujettis les citoyens les plus fortunés. Selon son camp et le temps, on l'a appelé impôt sur le capital, impôt sur les grandes fortunes, puis finalement impôt de solidarité sur la fortune. Mais que désigne-t-on sous le terme de fortune, justement ? Jusqu'à quelle hauteur faut-il taxer la richesse provenant du travail et du capital sans mettre à mal la machine économique ? Enfin, sans cesse remis en cause, l'ISF survivra-t-il à la présidentielle ? L'impôt sur la fortune, totem pour certains, tabou pour d'autres, c'est donc cette histoire mouvementée que nous allons vous raconter aujourd'hui. Pour en parler après le récit, nous recevrons l'économiste Liam Angnok, auteur des livres intitulés « Il faut faire payer les riches » et « Vive l'impôt ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. François Fillon. Oui, je suis un patriote, je suis un souverainiste. Je préfère supprimer l'ISF plutôt que de voir l'économie française sans capitaux passer sous contrôle étranger. Emmanuel Macron. L'ISF, qu'est-ce que ça taxe ? Ça taxe l'enrichissement pendant le cycle de vie et donc le capital productif et non productif. Moi, je supprimerai la part qui taxe le capital productif. Alain Juppé. Il suffit d'aller faire un petit tour à Bruxelles, à Genève, et y trouver des Français qui ont été conduits à quitter la France à cause d'une fiscalité sur les revenus de l'épargne qui est confiscatoire. Nicolas Sarkozy. La France est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. C'est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. Allez dire, monsieur Hollande, qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, que nous avons fait des cadeaux aux riches, c'est une calomnie. Comme les bourgeons au printemps, quand une élection présidentielle arrive, on voit réapparaître dans les programmes des candidats la proposition de supprimer ou de réformer l'impôt sur la fortune. En juin 2016, alors qu'il était encore ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste et pas encore candidat, Emmanuel Macron appelait une réforme de l'ISF, notamment du statut d'imposition du capital productif. L'ambitieux est alors recadré froidement par le Premier ministre Manuel Valls, oubliant que lui-même avait appelé de ses voeux la suppression de l'ISF qu'il qualifiait d'inutile car peu rentable et surtout source d'injustice lors de la primaire de 2011. L'an dernier, le sujet est de nouveau débattu à l'occasion des primaires de la droite. Et c'est le candidat défendant sa suppression, François Fillon, qui est sorti victorieux de cette élection. Mais en réalité, voilà plus de 20 ans que la droite hésite à supprimer cet impôt. Au cours du second mandat de Jacques Chirac, pourtant prudent sur ce type de sujet, le débat sur l'ISF fait de nouveau les gros titres. Dans la presse, on lit par exemple les témoignages d'habitants de l'île de Ré qui, après l'explosion des taxes foncières, sont désormais assujettis à l'ISF, impôt qu'ils ne peuvent payer sans vendre leurs biens. Face à la bronca des parlementaires, le président lâche du lest. En 2006, la majorité invente l'idée d'un bouclier fiscal et plafonne l'imposition d'un contribuable à 60% de ses revenus. Un an plus tard, Nicolas Sarkozy fait de cette idée une mesure phare de son programme avec un taux encore plus bas, 50%. Quelques semaines après son élection, la nouvelle ministre de l'économie, Christine Lagarde, explique à la tribune de l'Assemblée la philosophie de cette mesure. On ne peut pas en effet, d'un côté, encourager le travail et de l'autre, surtaxer l'argent gagné. Cette barre des 50% est bien évidemment lourde de symboles. Elle instaure un véritable partenariat juste et équitable entre l'individu et l'État. 50-50, eh bien c'est la formule de notre contrat fiscal. Il suffit d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, de se poster Gare du Nord un vendredi soir à l'arrivée de l'Eurostar ou du Thalys pour comprendre que tous ces banquiers français partis travailler à la cité, que tous ces exilés fiscaux réfugiés en Belgique n'ont qu'une envie, c'est rentrer vivre en France. Boucliers, exilés, réfugiés fiscaux, la guerre a-t-elle été déclarée aux plus riches, en tout cas dans le discours ? Les mots de l'imaginaire guerrier ponctuent souvent les débats autour de la question fiscale. Dès le 1er janvier 2008, la mesure du bouclier est effective et permet aux plus fortunés qui ont fait le choix de rester en France d'obtenir de l'État de jolis chèques. Le dispositif imaginé par la majorité n'est alors pas une réduction de la somme à payer, mais un remboursement après paiement. Et c'est ainsi qu'en juillet 2010, on apprend sur le site de Mediapart que le fisc a versé en mars 2008 la somme de 30 millions d'euros au titre du bouclier fiscal à Liliane Bettencourt. En pleine crise financière, le chèque du fisc français à la première fortune de France laisse des traces dans l'opinion. En 2011, la droite décide d'y mettre fin. Un an plus tard, la question du système fiscal et de la solidarité des plus riches est de nouveau au cœur des débats. En janvier, le candidat socialiste François Hollande promet un taux d'imposition de 75% pour la part des revenus qui dépasse 1 million d'euros par an. En mai, il est élu, mais le Conseil constitutionnel retoque sa proposition. Une nouvelle mouture est alors proposée, votée puis mise en place. Mais au début de l'année 2015, la mesure disparaît. Alors quoi ? Est-il si difficile d'imaginer une révolution fiscale ? Et 40 ans plus tôt, qui sont ceux qui ont imaginé pouvoir taxer les plus riches ? Quelles étaient les raisons évoquées ? Quelles sont les forces politiques qui ont combattu ou soutenu cette mesure ? L'histoire de l'impôt sur la fortune prend sa source pendant les dernières années des Trente Glorieuses. Au lendemain de mai 68 et pendant cette période de ralentissement de la croissance économique, la question de la répartition des richesses retrouve de l'écho au sein des milieux politiques. Oh, sans être la pierre angulaire des réflexions, la question fiscale réapparaît peu à peu dans les demandes des syndicats et des partis. Dans la version initiale du programme commun du Parti socialiste et communiste, on propose d'abord un alourdissement des droits de succession avant d'acter l'idée de la création d'un impôt sur la fortune, comme le mentionne le programme « Change la vie » de François Mitterrand. Mais la volonté d'imposer les plus riches ne se limite pas aux militants de gauche. Dans le sillage de la crise pétrolière de 1974, en effet, et de ses premières conséquences économiques en France, le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, demande un rapport sur cette question. L'étude conclut à la nécessité d'accroître la part de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales pour réduire les inégalités sociales. Peu à peu, l'idée fait son chemin. On parle alors d'impôt sur le capital. Dans les pages du journal Le Monde, en 1976, on peut lire un long entretien de l'universitaire Jacques Gros-Claude, auteur de l'ouvrage intitulé « L'impôt sur la fortune ». Dans cette interview, il met en avant les avantages d'un tel dispositif qui permettrait notamment, et selon lui, un meilleur recensement des richesses ainsi que la mise au jour de dissimulations de revenus. De plus, cet impôt permettrait de pousser les détenteurs d'un capital à affecter ses ressources à des fins productives. Quand l'article est publié, 59% des Français se disent favorables à cet impôt, mais le gouvernement hésite encore à l'introduire. Pendant l'automne 76, lors de la discussion du projet de loi rectificative des finances, des députés, notamment André Fanton et l'URPR, expriment le souhait d'une imposition annuelle sur les fortunes des personnes physiques, dont les revenus sont supérieurs à 2 millions de francs. Le Premier ministre Raymond Barre s'y oppose. Quelques semaines plus tard, lors de son discours programmatique de Blois, le Premier ministre annonce la demande d'une étude sur l'impôt concernant le capital et sur lequel le Parlement devra ensuite statuer. Le lendemain de cette intervention, le leader communiste Georges Marchais réagit. La France profonde, je la regardais hier soir à la télévision avec Barre. La France profonde, Elle a chaleureusement applaudi quand il a dit pas d'impôt sur la fortune, la France profonde. C'était la France en manteau de fourrure. C'est-à-dire qu'ils veulent, réaliser chez nous ce que Callaghan a fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire il a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs de 7%. Il y a l'affirmation ici, ouverte, n'est-ce pas, que le pouvoir d'achat des travailleurs sera abaissé de tout le monde. Ben oui, de tout le monde. Mais nous, on veut abaisser, c'est le pouvoir d'achat des riches, vous voyez. C'est ça qui nous différencie, pour augmenter celui des pauvres. Au sein de la majorité également, le choix du Premier ministre est également critiqué par certains. En mars 1978, lors d'une conférence de presse, Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical, propose son propre projet d'impôt sur la fortune. Les gens déclareront leur fortune. Il n'y a pas d'inquisition fiscale. C'est une mesure de justice qui existe dans tous les pays modernes d'Europe ou d'Amérique, qui est une mesure bénéfique à l'économie, qui est une mesure profonde du point de vue moral, et qui aidera à créer cette solidarité nécessaire à la mobilisation des Français pour la renaissance de notre pays dans le bouleversement économique mondial que nous connaissons et dont nous souffrons. Désormais, le sujet n'est plus seulement débattu dans des cercles d'initiés, mais il devient une arlésienne au sein des partis politiques. En revanche, il est un sujet récurrent dans les pages de la presse. Bien. Mais qu'entend-on par fortune? Quel patrimoine devrait être taxé? L'immobilier, les parts dans les entreprises, l'or, les œuvres d'art? Et puis, comment évaluer ces fortunes? Les journalistes frappent alors aux portes des personnes potentiellement concernées et récoltent leurs réactions et leurs craintes. Beaucoup annoncent déjà payer trop d'impôts, mais ils oublient souvent d'annoncer l'étendue de leur richesse. En janvier 1979, le rapport d'étude demandé par le Premier ministre, tant attendu, est enfin dévoilé. Voilà comment Roger Gigel, bien dans son style délayé, résume, si je puis dire, la conférence de presse des trois députés en charge de l'étude. Touchez pas au Grisby. Pendant longtemps, ça a été la règle en France quand un ministre des Finances ou un gouvernement s'avisait d'imaginer l'impôt sur la fortune. Taxer les revenus parfaitement connus parce que déclarer ceux des salariés, par exemple, ça c'est facile, comme de taxer la consommation, mais imposer les fortunes a toujours paru présenter beaucoup plus de risques pour l'économie du pays, pour ses investissements en tout cas, que de véritables profits pour la collectivité. Le rapport de messieurs Ventejol, Blot et Méraud, qui vient d'être remis à l'Assemblée nationale pour qu'elle en délibère, présente comme proposition centrale qu'au lieu de se lancer dans l'aventure d'un impôt annuel sur le capital, qui susciterait donc beaucoup de difficultés pour un rendement dérisoire, sans réellement corriger les inégalités entre les patrimoines, eh bien il serait plus juste de réformer le régime des droits de succession. Les petites et moyennes successions pourraient être exonérées. Pour les autres, les taux de taxation seraient élargis de 5 à 40% pour une part d'héritage dépassant par exemple 2 millions. Quant aux très grosses fortunes, elles seraient frappées d'une surtaxe lorsque l'héritier a déjà lui-même un gros patrimoine. Quelques semaines plus tard, malgré la crainte des rapporteurs, le congrès de l'UDF vote l'idée de la taxation du patrimoine supérieur au sein des économistes. Aussi, le sujet fait débat entre les différentes écoles de pensée. En 1979, le cercle des nouveaux économistes de tendance ultralibérale, emmené notamment par Henri Lepage, préconise la baisse massive des impôts pour éviter la récolte qui gronderait chez les contribuables. Inspiré de l'école américaine, dont le pape est Arthur Laffer, certains économistes français reprennent ces chiffres et diffusent ces analyses qui se résument à cette formule « Trop d'impôts tue l'impôt ». Un slogan que reprend en cœur la droite française face aux candidats socialistes et communistes. Si le programme commun n'est plus, les deux anciens partis frères ont gardé chacun dans leurs propositions cette mesure d'impôt sur la fortune. Et le 10 mai 1981, c'est François Mitterrand qui est élu président de la République. Dans les jours qui suivent, on demande aux douaniers une attention particulière, car une rumeur court selon laquelle certains esprits chagrins auraient décidé de quitter le pays avec leur argent, craignant que la mise en place d'un impôt sur la fortune emporte leur richesse. Fantasme ou réalité, les remous boursiers, les annonces de départ ne font pas reculer le gouvernement. Le 8 juillet 1981, après une large victoire aux élections législatives, Pierre Mauroy, nouveau Premier ministre français, annonce dans sa déclaration de politique générale ses objectifs en matière fiscale. En élisant François Mitterrand, les Françaises et les Français ont choisi de substituer à une société dure aux plus démunis, une société juste et équitable. Mais pour donner plus aux uns, il faut donner moins aux autres. Il n'y aura pas de miracle. Et il n'existe pas de cagnotte où prélever les revenus versés aux uns sans toucher à ceux des autres. Le ministre en charge de cette mesure phare du gouvernement, du programme, est le ministre délégué au budget, Laurent Fabius. Il annonce d'abord que la taxation des grandes fortunes ne fera pas l'objet d'une loi, mais d'une mesure intégrée au budget qui pourra donc être renouvelée ou modifiée chaque année. Durant tout l'été, Laurent Fabius consulte et avance ses premiers pions. En septembre, le ministre commence à faire le tour des plateaux pour annoncer les différentes mesures fiscales envisagées, dont celles concernant les grandes fortunes. Alors, qui sera touché par cet impôt ? Laurent Fabius, vous êtes pour nous d'abord et surtout l'homme de la feuille d'impôt. Vous êtes le ministre chargé du budget. Dépend, c'est malheureusement il y a les recettes. Mais qu'est-ce que vous frappez sur les hauts revenus, sur les cadres d'une façon générale ? Je crois simplement qu'il y a beaucoup d'injustice fiscale et qu'il faut essayer d'aller vers plus de justice fiscale. Alors pour l'impôt sur la fortune. Alors l'impôt sur la fortune, c'est autre chose. Il touchera un peu moins de 2% des Français, environ 200 000 foyers. Quel est le principe ? Le principe, c'est que jusqu'à 3 millions de nouveaux francs, 300 millions d'anciens francs, on n'a rien à déclarer, on n'a pas d'impôt à payer. Au-delà de 300 millions de francs anciens, avec un bonus supplémentaire pour l'outil de travail, 500 millions de francs dans ce cas-là, là on a un impôt de 0,5%, 1% ou 1,5% au maximum. Ce sont des taux très raisonnables qui se situent à peu près dans la fourchette des pays qui ont cet impôt. Je vous surprendrai peut-être en vous disant que la Suisse a un impôt sur la fortune qui est d'ailleurs plus élevé que le nôtre, que l'Allemagne a un impôt sur la fortune aussi. Le ministre tente de rassurer, mais le patronat commence à manifester son désaccord, notamment au sujet de la prise en compte de l'outil de travail. Les exploitants agricoles, comme les vignerons, s'inquiètent, par exemple, de la taxation de leur propriété où ils exploitent leurs vignobles. Les antiquaires montent également au créneau face aux mesures présentées par le gouvernement et, notamment, l'obligation du paiement par chèque de chaque œuvre dont le montant serait supérieur à 5000 francs. Les antiquaires y voient l'établissement d'un fichier des collectionneurs. Pendant l'étude du projet de loi à l'Assemblée nationale, ces différents arguments sont entendus. Le 28 octobre, les députés adoptent l'article 2 qui institue un impôt annuel sur les grandes fortunes supérieur à 3 millions de francs. Le lendemain, un amendement exonère les œuvres d'art. Le 30 octobre, on décide la même chose pour les biens professionnels dans la limite de 2 millions supplémentaires. Après un passage au Sénat, le 30 décembre 1981, la loi est promulguée. L'impôt sur les grandes fortunes est né. À la fin de cette année-là, près de 76% des Français l'approuvent. Et à ce moment-là, 104 000 contribuables l'ont payé. Cet impôt a fait entrer dans les caisses de l'État près de 3 milliards et 700 millions de francs. Mais que fera la droite quand elle reviendra au pouvoir ? and it's stretched out, stressed out. Christian Charnelet. Oui, Jacques Chirac. Autre question. Plusieurs téléspectateurs vous demandent, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous supprimeriez l'impôt sur la fortune ? Cette question revient très souvent. Vous savez, je suis partisan d'une imposition sur le capital. Elle existe dans tous les pays et elle existe notamment en France avec l'impôt foncier, avec l'impôt sur les successions, avec l'impôt sur les plus-values. Ce que je condamne dans l'impôt sur les grandes fortunes tel qu'il existe actuellement, ce n'est pas son principe, c'est ses modalités d'application. D'abord, c'est un impôt qui rapporte très peu et qui coûte très cher à mettre en œuvre. Ensuite, c'est un impôt qui présente un danger considérable à mes yeux, qui est l'inquisition. Et l'inquisition, dans ce domaine, a pour conséquence la fuite des capitaux, le refus de les investir avec les créations d'emplois que l'on perd à cette occasion. Et je suis donc contre toute forme d'inquisition. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis favorable à repenser l'ensemble de l'imposition sur le capital et à supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. Ce 28 janvier 1985, sur le plateau de l'heure de vérité, le président du RPR ne laisse aucun doute sur ses intentions en cas de victoire lors des prochaines élections législatives. 4 ans après l'élection de François Mitterrand et le vote de l'impôt sur les grandes fortunes, les partisans de la droite française rêvent du grand soir fiscal et d'un retour sur les mesures du pouvoir socialiste. La peur fiscale est devenue l'un des thèmes récurrents des argumentaires de l'opposition. En 1984, le député RPR Philippe Auberger publie un pamphlet contre la politique du gouvernement intitulé « L'allergie fiscale » où il appelle à la révolte en ces mots « contribuables de tous les pays, unissons-nous ». Jacques Chirac en signe la préface, indiquant que, je le cite, « le poids des prélèvements obligatoires menace la liberté des Français, constitue pour notre économie un pesant et dangereux handicap ». L'argument n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est le capitalisme financier et la fin de l'État qui ont vent en poupe. Quelques semaines avant l'élection du président français, en bon disciple de l'école de Chicago de Milton Friedman, son homologue américain Ronald Reagan déclarait dans son discours d'investiture « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème ». À droite, homme politique et intellectuel s'inspire alors de la pensée américaine. En 1985, dans les pages du Figaro magazine, l'intellectuel libéral Guy Sorman déclare que le jour où les riches paieront moins, les pauvres vivront mieux. L'économiste Pascal Salin va plus loin, si tant est qu'il est possible d'aller plus loin, en imaginant, lui, la suppression de l'impôt progressif et des droits de succession. Même à gauche, le poids fiscal interroge et en déstabilise certains, dont le président Mitterrand lui-même, oui, qui après quelques mois après le tournant de la rigueur en septembre 83, indique dans l'émission L'Enjeu, trop d'impôts, pas d'impôts, il faut revenir à des chiffres raisonnables. En avril 1986, porté par la gronde antifiscale et la déception des classes les plus fragiles face à la crise, le Parlement passe à droite. Le Parti communiste rassemble moins de 10% des voix, le PS dépasse à peine les 31%, alors que l'Union RPR-UDF remporte 40% des sièges. La France connaît alors sa première cohabitation. Jacques Chirac redevient Premier ministre et nomme Édouard Balladur au ministère des Finances et de la Privatisation, aidé dans cette tâche par Alain Juppé, nommé au budget. Et c'est lui qui annonce, dès le 16 avril 86, la fin de l'impôt sur les grandes fortunes. Et puis, il y a donc la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, ce n'est pas une mesure plus symbolique qu'économique, si je puis dire. On pourrait dire qu'elle est symbolique, puisque c'est vrai que le coût en est relativement limité, moins de 4 milliards, à peu près 3,5 milliards, car nous maintenons la taxation sur les bons anonymes. Mais il faut voir que cette mesure, qui s'ajoute à beaucoup d'autres formes de taxation du capital en France, les droits de succession qui ont été considérablement augmentés, les impôts locaux, etc., cette mesure avait un effet très pervers, cet impôt avait un effet très négatif sur l'investissement immobilier notamment. Et voilà pourquoi, là aussi, nous annonçons sa suppression au 1er janvier avec la mesure que vous avez d'ailleurs signalée et qui va avec, c'est-à-dire une exonération de l'impôt sur le revenu pour les contribuables modestes d'un montant au moins équivalent. La promesse est respectée. Dès les premières semaines du retour au pouvoir de la droite, le gouvernement de Jacques Chirac fait voter une série de mesures qui diminuent la pression fiscale, notamment sur les plus fortunés. Pourtant, dans le même temps, la pauvreté s'intensifie et revêt désormais plusieurs visages. Le succès et l'impact du lancement des Restos du Cœur est un révélateur de ce basculement d'une part de la population dans la grande pauvreté. En 1987, un rapport du Conseil économique et social indique que la France compte près de 2,5 millions de personnes ayant des ressources insuffisantes pour vivre, 1 million de chômeurs non indemnisés, 400 000 personnes sans couverture sociale et pas loin du même nombre pour ce qui concerne les sans-abri. Pour l'instant, ce sont les municipalités qui innovent et qui imaginent des solutions d'entraide envers les plus démunis. En 1987, les députés socialistes déposent une proposition de loi pour la création d'un revenu minimum d'insertion. Idée que le président Mitterrand reprend dans sa lettre à tous les Français quand il déclare « Peu importe le nom qui lui sera donné, revenu minimum d'insertion, revenu minimum garanti. » Non, l'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. Comment financer ? Poursuit le président, en grande partie par le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. La diminution des inégalités et la solidarité de tous devient l'un des thèmes de l'élection présidentielle de 88, durant laquelle s'affrontent le Premier ministre Jacques Chirac et le président François Mitterrand. Le 8 mai 1988, le président sortant remporte l'élection haut la main. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il perdu ? Selon les confidences de ses proches, il pense lui-même que c'est la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes qui est la principale raison de sa défaite. Ce que confirme quelques semaines plus tard l'ancien ministre délégué au budget, Alain Juppé, qui parle d'erreur. Oui. Au même moment, Michel Rocard entre à Matignon. Et c'est lui qui a la charge de la création du RMI, dispositif intimement lié au rétablissement de l'impôt sur les fortunes, comme il l'explique à la tribune de l'Assemblée. Le revenu minimum d'insertion sera assuré pour partie par le rétablissement d'un impôt sur la fortune. Il faut ici lever tout équivoque. L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. C'est pourquoi, selon nous, le principal problème posé, mais il est très épineux, concerne non pas le principe de l'impôt, mais la définition du meilleur équilibre entre la solidarité nécessaire et la pertinence économique. C'est une simple question de bon sens. À l'heure où s'ouvrent nos frontières, une imposition trop forte inciterait à la fuite des capitaux, conduirait à ce que le potentiel d'investissement du pays aille irriguer les entreprises de nos concurrents, de préférence aux nôtres, en même temps que cela pourrait décourager les activités qu'il nous faut stimuler. Le 1er décembre 1988, la loi qui institue le RMI est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Seul le principe de son financement a fait l'objet de passes d'armes entre députés. Comme au temps de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est la question de l'assiette de l'imposition qui est au centre des débats. Michel Rocard joue la carte des négociations en cherchant un consensus auprès du patronat. Au final, l'ISF reprend en partie les caractéristiques de l'impôt sur les grandes fortunes. Les biens professionnels, dont la liste a été rallongée, restent exonérés. Mais il y a un élément nouveau, l'idée d'un plafonnement. Autrement dit, le total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ne pourra être supérieur à 75% des revenus imposables. Un petit bouclier. Depuis sa mise en place, cette mesure est critiquée par une partie des économistes et des sociologues comme Monique Pinceau-Charlot, par exemple, qui met en évidence le fossé entre revenus imposables et revenus réels des plus fortunés, notamment grâce à l'optimisation fiscale qui permet de cacher une partie de ses avoirs. Effectivement, chaque année depuis la création de l'ISF, on découvre dans la presse les grandes fortunes qui ont réussi à échapper à l'impôt. En 1997, le Canard enchaîné révèle que François Pinault est de ceux-là. Comment ? Eh bien grâce à une astuce fiscale tout à fait légale qui consiste à emprunter des millions pour acheter des actions de son propre groupe, ce qui permet d'augmenter son patrimoine professionnel et de réduire celui sur lequel est calculé l'ISF. L'affaire fait grand bruit. Mais la polémique s'estompe, car, répétons-le, ce n'est pas illégal. En juin 2016, le journal satirique diffuse la liste des plus grands miraculés de l'ISF, sur laquelle figurent les 50 contribuables français les plus riches, qui en 2015 n'ont pas ou peu payé d'impôts sur leur fortune. Il s'agit d'optimisation fiscale, oui, mais à sens unique. Car quand on sait que les 10% de Français les plus riches possèdent 60% du patrimoine total des Français, eh bien nous dirons que c'est le contribuable qui optimise, pas l'État. We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up, and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's all down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune. Notre invité, l'économiste Limang Nok, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes économiste, donc maître de conférence à l'Université Paris 1 et auteur de deux ouvrages sur le sujet que nous venons d'évoquer, que nous allons continuer d'évoquer ensemble. Le premier s'appelle « Il faut faire payer les riches », coécrit avec Vincent Brezet, et le second s'appelle « Vive l'impôt ». J'ai l'impression quand même que tout est dit dans les titres. Justement, quand on imagine et quand on applique l'impôt sur la fortune, parmi les questions centrales, il y a cette question toute bête finalement. Qu'est-ce que la fortune ? Qu'est-ce qu'un riche en France ? À partir de quand et selon quel mode de vie ? En gros, quand et comment ? Grosso modo, la répartition des revenus, c'est que vous avez la moitié des Français qui ont un niveau de vie en dessous de 1700 euros. Après, vous en avez 40% entre 1700 euros et 5000 euros, disons. Mmh. Et puis, les 10% les plus riches, c'est ceux qui ont un revenu de 5000 euros et un patrimoine supérieur à 500 000. Mais les vrais riches, sont ceux qui comptent parmi les moins de 1% les plus riches, quoi. Et en particulier les 0,01% des plus riches, c'est-à-dire grosso modo 3 à 4 000 personnes, ont un patrimoine supérieur à 15 millions et un revenu annuel supérieur à 1 million. Bon, avec des différences, puisque si vous prenez les premières fortunes de France, Madame Bettencourt a un patrimoine supérieur à 17 milliards. Ouais. Hein, et c'est très supérieur à 1 million. Voilà, donc ça justifie que la fourchette vous avez indiqué tout à l'heure quand elle a touché le bouclier fiscal, elle a touché 30 millions de bouclier fiscal. Quoi. Et le patrimoine fait partie de la richesse, parce qu'il est mobilisable en partie quand on a besoin de liquidité. Donc vous pouvez vendre des actions et disposer d'argent liquide si vous avez besoin de dépenser. Quoi. Alors, depuis sa création, est-ce que les critères du calcul de l'ISF ont évolué? Et si oui, dans quel sens? En réalité, enfin là, on n'est pas à la télé, mais j'ai une courbe qui montre qu'en réalité, si vous prenez quelqu'un qui a un patrimoine de 33 millions depuis 1981, à l'exception de la période où l'impôt a été supprimé par Chirac, oui. Comme vous l'avez dit, il paye grosso modo 1,5% de son stock de patrimoine. Quoi. Donc ça n'a pas bougé. Vous voyez, la courbe est plate. Oui, absolument. Donc, quelles que soient les réformes, on a cherché à ne pas taper plus de 1,5% du patrimoine imposable. Quoi. 1,5%. Bon. Finalement, en France, est-ce qu'on taxe plus le capital ou le travail? Question fondamentale quand même, parce que c'est une option quasi philosophique. Le système français est pas très redistributif, contrairement à ce qu'on croit, parce que le seul impôt véritablement progressif, c'est l'impôt sur le revenu, et il ne rapporte que 17% des recettes fiscales. Ouais. La TVA, c'est 51% des recettes fiscales, et puis on a une batterie d'impôts indirects qui complètent le reste. L'impôt sur les sociétés lui-même, c'est que 17% des recettes fiscales. Donc le système est pas très redistributif. Et alors le vrai débat en France, c'est le débat qu'on a depuis la Révolution française, quoi. Vous avez l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui, je le rappelle, dit que pour la solidarité nationale et l'entretien de la force publique, chaque citoyen doit contribuer. D'où le mot contribuer. Oui, selon sa faculté contributive, c'est-à-dire chacun paye selon ses moyens et ensuite chacun a accès aux biens publics selon ses besoins. Hein. C'est ça la philosophie du modèle républicain. Or, pour mettre en place ce modèle républicain, il faut un impôt progressif. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la rente, parce que la rente dans l'ancien régime, c'était les propriétaires fonciers. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouveaux rentiers, parmi les économistes qui utilisent ce terme, les nouveaux rentiers, c'est ceux qui détiennent les titres. Qui rapportent des dividendes, notamment. Donc, les nouveaux rentiers sont les actionnaires qui, aujourd'hui, pompent une grande partie de la part des profits dans la valeur ajoutée. Donc, si vous voulez vraiment lutter contre la rente, et c'est quand même la philosophie du modèle républicain, imaginez que la rente, c'est un arbre qui pousse, avec des branches qui poussent. Si vous les coupez, les branches, tous les ans, au même endroit. Oui. Parce que si vous ne les coupez pas tous les ans au même endroit, la rente continue à pousser et à s'accumuler entre des mains toujours moins nombreuses. Donc l'impôt sur le revenu, ça ne suffit pas. Même si vous faites un impôt sur le revenu très progressif et que, mettons par exemple, au-dessus de 400 000 euros, vous ayez une tranche marginale qui taxe à 100%, bon, à 400 000 euros, vous ne dépensez pas tout, quoi. Ouais. Oui, il vous reste de quoi vivre très confortablement. Vous avez une propension à consommer, disons de la moitié. L'autre moitié, qu'est-ce que vous en faites? Les 200 000 euros, vous les placez et puis ça rentre dans votre patrimoine. Bon. Donc s'il n'y a pas, en plus de l'impôt sur le revenu qui est un impôt sur les flux gagnés tous les ans, s'il n'y a pas un impôt sur ce qu'on appelle en économie le stock de patrimoine, eh bien, le résultat des courses, c'est que les branches de l'arbre continuent à pousser. Donc ça veut dire bien qu'en France, aujourd'hui, on taxe plus le travail que le capital. C'était ça la question. Est-ce qu'on peut faire ce genre de raccourci? Oui, on taxe beaucoup plus le travail que le capital, si vous voulez. Mais pour en revenir à cette question-là, j'ai pris cette image pour vous indiquer que l'impôt sur la fortune, contrairement à ce que racontent certains, c'est un impôt très intelligent. C'est pas du tout un impôt imbécile, parce que c'est un impôt sur le patrimoine, sur le stock de patrimoine, qui complète l'impôt sur le revenu, qui est un impôt sur les flux. Mmh. Donc si vous le supprimez, si vous supprimez l'impôt sur le patrimoine, et c'est le projet des conservateurs, eh bien, l'arbre, il recommence à pousser. J'ai bien compris l'image, la métaphore jardinière. Mais quand Jacques Chirac disait, par exemple, je suis pas contre le principe, mais enfin ça rapporte pas beaucoup et ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? En quoi un impôt coûte-t-il cher? J'ai du mal à comprendre ça. Techniquement, la mise en place, le passage que vous avez passé tout à l'heure à l'antenne, il disait surtout que ça stigmatisait les riches. Mais pas du tout, puisque dans la philosophie républicaine, chacun contribue selon sa faculté contributive. Et c'est même mieux que la charité, hein, parce que la charité, ça me dédouane de pouvoir faire ce que je veux dans le monde où je fais de l'argent. Là, on a au moins un principe de justice fiscale qui est communément partagé. Après, oui, ça rapporte peu. Aujourd'hui, le produit de l'ISF, c'est 5,9 milliards. Oui, on l'a dit au début d'émission, effectivement. Alors, c'est pas... C'était fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1988, pour financer le RMI. Oui. Devenu le RSA. Aujourd'hui, le coût du RSA, c'est grosso modo 10 milliards. Donc là, rapporte à peu près 6 milliards. Donc la moitié. Ça rapporte 60% du financement du RSA. On ne peut pas dire que ça finance rien. Maintenant, on pourrait élargir l'assiette. Parce que comme vous l'avez montré, il y a des pratiques d'optimisation fiscale qui consistent par exemple à emprunter pour acheter ces actions qui ne rentrent pas dans l'assiette imposable. Et dans ce cas, il y a une vraie réflexion à avoir pour élargir un petit peu l'assiette de l'ISF. Ce que vous voulez dire, c'est que l'ISF ne prend tout son sens, et son meilleur sens, peut-être, que s'il finance les minima sociaux, c'est ça? Ah bah c'est sa philosophie. C'est sa philosophie, il faut qu'il reste dans cette philosophie, c'est sa raison d'être, c'est ça? Il a deux raisons d'être, il a cette raison d'être-là, et l'autre raison d'être, c'est de couper les branches les fameuses de l'arbre, branches. Tout simplement, bon, lutter alors, contre la rente. Alors, hier et aujourd'hui, eh bien, on va écouter aujourd'hui ensemble, on va écouter ce que disait François Fillon, vainqueur de la primaire de droite et candidat à la présidentielle en février 2015, c'était en février 2015, sur le sujet. Alors il s'agit d'un extrait d'un entretien de Guillaume Durand sur LCI et Radio Classique avec François Fillon donc. Mais c'est un impôt qui crée des déficits plutôt qu'il n'apporte des recettes. C'est un impôt qui fait fuir les investisseurs. C'est un impôt qui est totalement contre l'attractivité du pays. C'est un impôt qui empêche les entreprises de croître, notamment les entreprises familiales d'une certaine taille. À partir d'un moment, on ne peut plus transmettre ces entreprises, donc on les vend, et en général on les vend à des investisseurs étrangers. Donc c'est un impôt qui est stupide. En plus, tout le monde le reconnaît. Et moi, je pense qu'il faut... si on veut faire redémarrer l'économie française, il faut un certain nombre de chocs. Il faut des mesures. Il faut pas des mesures qui soient techniques, à la marge, homéopathiques. Il faut des chocs. C'est pour ça que je parle des 35 heures. Je parle de la réforme de la fiscalité. Il y a des moments où il faut accepter de perdre des recettes pour relancer l'économie. Et ma conviction, c'est que si nous avions en 2007 supprimé l'impôt sur la fortune, nous aurions eu une bronca de 6 mois, mais aujourd'hui ça serait fait. Alors il y a cet argument de la fuite des capitaux, donné toujours par ceux qui sont contre toute forme d'impôt sur la fortune. Mais la fuite des capitaux, regardez ce que nous a révélé LuxLeaks, notamment toutes ces entreprises françaises qui, par une pirouette légale, ne payent que très peu d'impôts sur leurs bénéfices. Donc la fuite des capitaux, elle passe aussi par là, peut-être. C'est par là qu'il faut commencer. Oui, mais là, on parle des personnes physiques. On ne parle pas de l'impôt sur les sociétés, qui est un autre problème. Qui est un autre problème. Si on parle de l'ISF en tant que tel, les arguments de M. Fillon sont des arguments de classe pour satisfaire son électorat. Mais si on regarde la réalité des chiffres, vous avez grosso modo... 7 à 800 personnes imposables à l'ISF qui s'en vont tous les ans. Mmh. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y en a au moins autant qui arrivent. Vous avez autant de riches qui partent que de riches étrangers qui arrivent et qui payent des impôts en France. 700, ce n'est pas énorme, c'est 0,1% des imposables à l'ISF. Et après, quand on prend les sommes perdues pour optimisation fiscale à l'ISF, en fait, c'est 0,63% du total des recettes de l'ISF qui ne sont pas levées par le fait que les gens s'en vont. Mais c'est pas énorme, quoi, si vous voulez. Ça veut dire que c'est pas le levier prioritaire à actionner pour créer un impôt sur la fortune qui serait plus efficace. L'optimisation, voire l'évasion. Alors c'est vrai j'étais sur les entreprises aussi, mais c'est quand même le même principe. La vraie réalité, c'est que les riches sont pas des gagnes petits. L'histoire du bouclier fiscal a été un moyen de contourner l'ISF. De supprimer l'ISF pour les plus riches. Quand on a fait le cadeau de 30 millions à Madame Bettencourt ou de 370 000 euros par an aux 1000 contribuables les plus riches du pays, ça visait clairement à supprimer, sans le dire, l'ISF. Maintenant, est-ce que c'est un impôt qui est contre-productif sur le plan économique ? Ce que ne dit pas l'ancien Premier ministre, Monsieur Fillon, c'est que les biens professionnels sont exonérés, comme vous l'avez rappelé. Mmh. Et puis les actions des dirigeants d'entreprises, propriétaires de l'entreprise en question, sont également exonérées. Donc, et puis en plus, il y a des niches fiscales telles que l'investissement dans les PME. Donc tout ce qui concerne investissement économique, ce n'est pas dans l'assiette de l'ISF. Il n'y a même pas les œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF. Non, parce qu'ils étaient... Donc, si on voulait un impôt vraiment juste, il faudrait mettre une partie de tout ça dedans, sans doute. Mais ça y est pas pour le moment. Donc, quand M. Macron, dont vous avez passé l'extrait tout à l'heure, dit que c'est un impôt qui tape le capital productif, pas du tout, puisque les biens professionnels et les actions des propriétaires ne sont pas dedans. Les biens professionnels, faut-il qu'ils soient dedans ? Est-ce que c'est justifié de ne pas mettre les biens professionnels dans l'assiette de l'impôt ? Les biens professionnels, c'est quoi ? C'est ce que Monsieur Marché, que vous avez cité tout à l'heure, appelait la propriété privée des moyens de production. Alors, oui, mais là, c'est un discours marxiste, c'est autre chose. Propriété privée des moyens de production, c'est un discours purement marxiste. Est-ce qu'il est justifié de ne pas taxer la propriété privée des moyens de production ? Je vous pose la question. C'est un débat qui n'est pas que philosophique. Quand vous considérez aujourd'hui que 80% des profits nets, c'est-à-dire après amortissement des entreprises non financières sont distribués sous forme de dividendes et ne servent pas à l'investissement, il y a un problème qui est posé. Il y a un problème non seulement de justice fiscale, mais aussi un problème d'efficacité économique. Et donc, si on prélève sur ces sommes, eh bien, l'État peut en faire autre chose pour relancer l'investissement public, par exemple. Bon, je ne veux pas donner dans la caricature, mais quand j'entends votre discours, le discours de certains économistes, je me dis, au bout du compte, que dans notre pays, plus on gagne d'argent, moins on paye d'impôts. Alors, c'est partiellement vrai, c'est partiellement vrai. Donc, d'où la demande, beaucoup de Français, d'une réforme fiscale. Une vraie réforme fiscale où on met tout sur la table. Pourquoi on n'a jamais cette réforme fiscale, et on ne l'a pas eu notamment de la part du président actuel, qui pourtant avait dit, François Hollande est un fiscaliste, qui plus est, hein, il connaît bien ce dossier-là, quand il était premier secrétaire du PS, il était très performant là-dessus, il avait dit, il y aura une réforme fiscale, il n'y a pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas, peut-être, mettre à plat notre système fiscal ? Oh bah, il y avait déjà les opposants au mariage pour tous qui étaient dans la rue, donc il a sans doute pas voulu les effrayer au moment où il souhaitait que sa politique de l'offre ait du succès. Bon, on sait ce qu'il en est arrivé, mais plus généralement, je pense que ce quinquennat est le quinquennat des occasions manquées. Effectivement, mais à la limite, pas que ce quinquennat-là, hein, les grandes réformes fiscales, on les a attendues de la part d'autres présidents. On n'a pas des grandes réformes fiscales. Qu'est-ce qui fait ? C'est quoi le blocage structurel qui fait qu'on remet pas tout à plat ? On peut pas dire d'un côté ceux qui gagnent beaucoup payent pas beaucoup d'impôts et refuser de remettre tout à plat. Ah mais on sait comment faire pour tout remettre à plat. Le schéma a été dessiné par de nombreux économistes. Thomas Piketty l'a fait. Il est aujourd'hui dépité parce que quand il a été reçu à Solferino pour exposer ce schéma, on lui a expliqué qu'il n'y aurait pas de réforme fiscale. Et ça, c'était avant le quinquennat, donc on pouvait le présager. Mais si on veut vraiment le faire, on peut le faire très facilement. Vous avez une assiette. Mais là, je parle plus d'impôt sur le patrimoine, hein. Je parle de l'impôt sur les flux de revenus. Vous avez une assiette qui est très performante, qui s'appelle l'assiette de la CSG, qui tape tous les revenus. Revenu du travail, revenu du capital, revenu de remplacement. Et là, vous avez l'assiette la plus large possible. Il n'y a pas de niche fiscale dessus. Ouais. Il n'y a pas de quotient familial, il n'y a pas de quotient conjugal. Et donc là, il suffit de mettre une grosse assiette avec un barème progressif dessus. Et quand vous avez une grosse assiette, vous pouvez mettre des bateaux. Un barème progressif à une dizaine de tranches, mais sans forcément que les tranches soient spoliatrices, et puis des sauts de tranches pas trop brutaux pour éviter les dissuasions de gains de revenus. Et là, vous avez un impôt performant et juste. Et puis après, si vous avez des priorités de politique familiale ou de politique écologique, là, vous pouvez procéder par des crédits d'impôt. Ça serait la bonne réforme fiscale avec un impôt sur le patrimoine à côté. Mais on n'a pas voulu le faire parce que les puissants de ce pays s'y sont toujours opposés. Et j'ai pas compris la connexion avec la CSG. C'est un peu technique, là. Expliquez-nous. Pourquoi vous partez de là? Mais la CSG est un impôt sur le revenu bis, si vous voulez. Oui. Dont l'assiette est plus intéressante que l'assiette de l'impôt sur le revenu. Qui est une assiette, l'assiette de l'impôt sur le revenu. Rappelons ce qu'est cette notion d'assiette aussi. Pardon, mais faut faire de la pédagogie parce que c'est quand même technique. Tout l'assiette, ça. C'est l'ensemble des revenus qui sont taxés. Alors, d'accord. Dans l'impôt sur le revenu, vous avez 500 niches fiscales, quoi, pour aller vite. Peut-être un peu moins. Et donc, les niches fiscales font que cette assiette est mitée et finalement, elle est très étroite. Ce qui fait que Mme Bettencourt, le taux d'imposition sur le revenu de Mme Bettencourt, le Monde diplomatique, ou le Canard enchaîné, je crois, c'est le Canard enchaîné qui avait publié ça une fois, n'est pas important. Il doit être de 15%, pas plus. Mme Bettencourt. Alors que le taux de la tranche supérieure est supérieur à 40%, le vrai taux d'imposition sur le revenu de Mme Bettencourt, il n'est que de 15%. Et est-ce qu'on peut agir aussi sur le quotient familial pour le revenu, l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est un levier intéressant? Alors ça, de justice, c'est un débat entre les partisans et les opposants au quotient familial. Mais bon, le quotient familial a été inventé pour instaurer ce qu'on appelle l'équité horizontale, c'est-à-dire que deux foyers de même revenu n'ont pas forcément les mêmes charges de famille. Si vous êtes célibataire, vous gagnez 5 000 euros. Et oui, un foyer de 5 000 euros qui a 4 enfants, oui. Vous êtes obligé de diviser un peu le niveau de vie du foyer à 4 enfants. Quoi. Donc le quotient familial a été fait pour ça, pour favoriser la politique familiale. Alors l'inconvénient, son gros inconvénient, c'est que les familles nombreuses pauvres qui ne sont pas imposables n'en bénéficient pas. Quoi. Voilà. Vous avez tous vu le film La vie est un long fleuve tranquille. Ah oui. Bon, les groseilles ne bénéficient pas. Et du Fénois, les groseilles. Et ouais, les groseilles ne bénéficient pas du quotient familial, alors que les autres en bénéficieraient plein pot. Bon, donc c'est pour ça que la vraie bonne réforme, c'est de le remplacer sur une assiette très large. Si on met une assiette très large qui est celle de la CSG où il n'y a pas de quotient familial, c'est de le remplacer par un crédit d'impôt forfaitaire par enfant. C'est-à-dire qu'un enfant de riche, un enfant de pauvre vaudrait la même chose et on lui donnerait un crédit d'impôt universel tous les ans. Et le quotient conjugal, là, il se discute. Alors le débat, il est philosophique, là, pour le coup. Sur le quotient conjugal, il se discute puisque c'est une mesure qui n'est absolument pas féministe. Hein, qui a été inventé au temps de la femme au foyer pendant les Trente Glorieuses. Et aujourd'hui, la mesure progressiste serait de supprimer le quotient conjugal, puisque l'égalité homme-femme le supposerait. Comment ça se passe à l'étranger? Quel est le regard on peut porter sur la politique fiscale on va comparer ce qui est comparable, hein, c'est-à-dire des pays qui ont à peu près les mêmes richesses que nous, les pays européens, nos voisins. Alors j'imagine que c'est pas uniforme, hein, chacun sa politique, mais s'il fallait s'inspirer d'une politique fiscale qui vous paraîtrait plus efficace qu'une autre, ce serait laquelle? C'est une colle, pardon. Même les Suisses ont un impôt sur la fortune, il faudrait rappeler les Suisses ça. Ont, absolument, les Suisses ont un impôt sur la fortune. L'ensemble des... L'ensemble des pays ont un système fiscal avec une certaine progressivité qui a été réduite un peu partout au cours de la période actuelle. Donc il n'y a pas forcément de modèle, puisque la mode au cours de ces 30 dernières années, ça a été très précisément de mettre en place progressivement la philosophie des économistes de l'offre, qui consiste à rendre l'impôt le moins progressif possible sur une assiette large. Bon, sans aller jusqu'à ce qu'on appelle la flat tax, même si certains pays l'appliquent, hein, comme parmi les nouveaux entrants, vous avez des flat tax quand ils sont passés du communisme à l'économie de marché, ils ont fait table rase, ils ont mis un seul taux d'imposition qui est pas du tout progressif. Bon, mais dans les autres pays, on a rendu moins progressif l'impôt, si bien que moi j'ai pas de modèle pour l'heure, puisque tout le monde a été libéral en la matière. Toute dernière chose, l'impôt peut, on peut parler d'impôt incitatif, notamment pour des politiques à mettre en œuvre, et des politiques écologiques, notamment. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que la fiscalité incitative pour l'écologie, le développement durable, c'est, ça fait partie des, maintenant pour vous, des grandes missions de l'impôt, c'est important? Alors, il y a un débat sur la fiscalité verte et sur l'écotaxe. Eh ben oui, l'écotaxe, bien sûr. On va finir là-dessus, il nous reste quelques secondes, donc on peut résumer votre pensée. Avantage, ça peut modifier les comportements, et c'est son but. Oui. Inconvénient, c'est que ça se fait dans le cadre d'une écologie dite punitive, parce que si vous taxez les pauvres qui roulent au diesel, bon, ils peuvent plus rouler, quoi. Donc ça signifie qu'on planifie le passage du diesel à la voiture électrique, et ça suppose qu'on planifie autre chose que les centrales nucléaires pour faire de l'électricité. Bien. Donc, voilà. Bon, on en parlera, ça fait une affaire sensible sur la fiscalité incitative pour le développement durable. Nous vous solliciterons, monsieur Limangnoc. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'impôt sur la fortune, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous serons vendredi, ce sera donc la fiction. Elle aura pour thème et pour cadre le siège de Sarajevo.